des Denois, de la Vaseline, avec un petit peu de gravier. Donc on va accueillir Carole, bonsoir. Bonsoir mon amour. Bonsoir ma chérie. Ça va ma puce? Ça va ma caille? Ouais. Tu vas bien depuis... T'as pensé à moi cette semaine? Oui, j'ai pensé à toi, je sais que ça ma chérie. T'as reçu ma lettre mon amour? Oui mon amour. Oh, t'as reçu la mienne? Lolita, bonsoir. Rebonsoir. Karima. Bonsoir. Oh, tu travailles, Karina, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Non, mais un peu plus de pêche, parce que tout à l'heure, tu vas retourner au standard. Vite fait, bien fait, ma chérie. D'accord? Oui, allez, calme-toi. Hein? Non, mais tu travailles. Oui, allez. Non, mais c'est toi qui vas te réveiller. Attends, Carole. Carole, s'il te plaît, ma chérie. Calme-toi, mon bébé. Non, mais attends, pour l'instant, Karima, elle va se réveiller un petit peu, s'il te plaît. Karima, tu travailles, s'il te plaît. Bon, ben, tu travailles? Oui, ben, ça y est. Ok. Gustave, bonsoir. Bonsoir. Simon, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gérard. Je suis vachement fier de pouvoir participer à vos débats et je voulais savoir si je pourrais vous tutoyer. Ben, pour l'instant, vous l'affirmez, j'ai pas fini les présentations. Bonsoir, Maïva, bonsoir. Rebonsoir, Gérard. Rebonsoir, Maïva. Donc, sur Minitel, il y a quand même Suceuse qui dit qu'elle a trouvé ton premier débat très bien. Elle regrette que les auditeurs ne soient pas toujours très gentils avec toi et qu'elle aimerait bien participer sur Minitel au deuxième débat. Eh ben, qu'elle laisse son numéro de téléphone et on la rappelle sans problème. Elle va rester sur Minitel. Sur le 3615 TV, elle reste dessus. Eh ben, reste sur le deuxième, mais reste sur Minitel si tu veux pas laisser ton numéro de téléphone. Alors, que pensez-vous des cunnilingus? Donc, on va demander à Maïva, tiens. Ah, moi, j'adore les cunnilingus. Oui, alors. J'adore les cunnilingus parce que quand t'as la petite langue, je le disais tout à l'heure, mais c'est pour le deuxième débat, du gars. Oui. C'est un peu titillé, ça fait des frissons partout. T'as la pointe des tétons tout de suite. C'est agréable. Et ce que je préfère, en fait, c'est quand le mec a une petite barbichette ou une moustache. D'accord. Comme moi, j'ai une petite moustache, c'est ça? C'est vrai? Ouais, il a une petite moustache. Bon, ça peut être agréable avec toi, alors. Bon, Maïva, on en discutera plus tard. Ah, bah, j'espère. Oui, Simon, oui. Tu travailles? Oui, pardon? Tu travailles? Oui, je travaille. Moi, je voulais simplement savoir, parce que je suis un super admirateur, j'aimerais savoir... Allô? Bah, oui. Écoute-le, Gérard. Gérard, j'aimerais savoir si le matin tu prends du pédigré pas ou t'es précis. Non, attends. Alors déjà, Simon, bonne nuit, au revoir. Non, mais attends, Gérard, la question était... Non, mais je suis bien d'accord. Que pensez-vous des tenues lingueuses? On parle pas du pédigré, Non, mais d'accord. Il me semble que le friskies est fait avec des clitos de femmes. Non, mais attends, et ta connerie, elle est faite avec quoi? Excuse-moi, Gérard. Elle est faite avec quoi, ta connerie, Simon? Excuse-moi, Gérard. Avec quoi? Avec des os de lapin? Ouais, t'as raison. Bravo, Gérard. Bravo, mon amour. Bon. Alors, du sable. Simon, ça t'apprendra. Hein. Excuse-moi. Du sable. Oui, je vais essayer de relever un petit peu le niveau du débat. Avec toi, parce que Simon, tu vas faire comme Simon. Hein. Je suis tout à fait réveillé. Donc, moi, le cunnilingus, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que... C'est un petit peu, si vous posez la question à une femme, lui demander si elle aime avaler. Non, pour l'instant, c'est à toi que je pose. Non, mais c'est un exemple. Si vous voulez, c'est un exemple concret afin que nous puissions avoir une vision assez imagée du contexte. Oh là là là là. Donc, Carole, Lolita, Karima et Maïva. Oui. Pour l'instant, vous taisez. Pour l'instant, j'ai demandé à Gustave s'il a bien compris la question. Oui, il a bien compris, Gérard. Il faut l'écouter. Vous demandiez si que pensent les gens qui participent à ce débat du cunnilingus, si je ne me trompe point. Oui, c'est ça. Donc, j'essayais de partir, de faire une phrase correcte. Et vous m'avez coupé en plein milieu, ce n'est pas très sympa de votre part. Il y a juste 5 mots dans ta phrase. Bon, allez, vas-y, réponds-nous alors. Pousse un sort la question, tu réponds ou quoi? Oui, oui, ben c'est ce que je veux. Ah, tu pagnes! Mais oui, mais vous me coupez à chaque fois, c'est un petit peu embêtant. Non, vous me coupez, oh, oh! Va lui couper les couilles. Non, je te coupe la queue du lapin, moi. Ouais! Oh, mon amour, c'est extraordinaire! Karima est là, oui. Alors, Karima. Karima, ce qu'elle pense du cunnilingus, elle adore ça. Mais en fait, elle adore. Elle aime bien si c'est. Il y a du monde derrière toi, Karima. Non, pas du tout. Non, non, non. Je personne. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, okay. Malheureusement. Si elle aime sucer, c'est normal. Bah, Simon et Gustav, vous la fermez fait. Pour l'instant. Oui, Gérard. Ça vous apprendra à répondre aux questions quand je vous parle, d'accord? Oui, maître. En devant un entendeur, salut. Oui, maître. Ouais. Maintenant, vous fermez vos gueules. Oui. Oui. Lolita. Oui. Tu me viens là. C'est pas les mecs qui ont le chien, Gérard. Le chien, c'est qui? Mais bah, vas-y, je sais pas, continue. C'est Lolita. Ouais, Lolita, je t'écoute. Ouais, bon, bah, moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Je préfère, à la limite, je préfère quand c'est moi qui le fais à un mec, quoi. Parce que j'aime pas, je suis très pudique. Attends, Lolita. Si tu nous lingues, en principe, c'est le mec qui te fait, c'est pas... J'aime bien qu'on me fasse des cunnilingus parce que je jouis très facilement avec. J'aime bien en faire aussi. Et j'aimerais bien savoir, Gérard, si tu aimerais bien m'en faire. Alors, merde, je suis en train de chercher le nom. Robert. Il me reste plus que l'amour de ma vie de petite Carole. Bah, c'est répondu. Tu vois ma petite Carole qui vient de me dire oui, ça. Oui. Eh ben, tu vois ma petite Carole. Oui. Ben, pour l'instant, ben. Tu fais quelque chose, Carole. Je te répondrai... tu réponds devant l'antenne, Gérard. Eh ben, je vais te répondre en direct, si tu veux. Vas-y. Eh ben, je préfère te le faire, mais quand tu seras avec moi, là, chez moi. Oh là là, t'es contente, Carole? Oui, donc je te plais, finalement. Ben, pour l'instant, tu m'as dit qu'on restait de copains. De bons amis, et puis après, on verra chez toi. Alors maintenant... Moi, je te dis, si tu me fais des avances comme ça, il n'y a pas de problème. C'est Lolita, je suis un peu jalouse, là. Mais moi aussi, hein, Gérard. Non, mais moi, Gérard, c'est pas toi et Lolita. Oh, Lolita, Karima. Et Maïva, pour l'instant, vous vous taisez. Vous la fermez, réponds à Carole. Oui, mon amour. Alors, Carole. Oui. Donc, je répète. Ricapépette depuis le début. Oui. Ricapépette. Voilà. Tu me calmes ton air. Merci. Je t'écoute. Donc, je te disais que si tu veux que je te fasse un cunnilingus, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, c'est quand tu veux et... Mais que tu vas en faire, au moins. Olive. Oui. On dirait que c'est un mec qui vole. Je suis sûr que c'est un mec, Carole. Non, sûr. Carole, c'est pas un Pablo. Non, c'est pas un babouin derrière. Mais non, elle a des faux seins. Elle a des faux seins, je veux dire une chose. Elle a pas de cul. J'en prends un dans l'œil. Tu l'as déjà vu? Ouais. Merci pour la fumée, là. Elle a vu mes gros seins, Gérard. Moi aussi, j'ai des gros seins, Gérard. Mais merde! Ouais, elle a même touché le cul. Menteuse! Oh là là! Oh la menteuse, elle est amoureuse. Il y a le site de Gérard qui prend feu là, il n'a pas de studio. Ah, cette merde! C'est pas mon amour. Non mais attends. C'est inadmissible. D'accord. Non, allez, dégage. Là. Dégage! Gérard, je veux pas que tu brûles, hein. Gérard, reviens. Gérard, je sais pas ce qui lui arrive. Ah là là, ça y est. Gérard, t'as le feu au cul. Gérard. Eh, dis donc, c'est Lolita, je suis un peu jalouse, hein. Donc Gérard est en train... Mais on partagera, Lolita. Ah bon, ça va, alors. Je vous explique un peu ce qui se passe. Gérard est en train de limite gerber dans le couloir. C'est là qu'on revient, ça va avoir fait chier. Mais regarde ça, merde. Gérard, reviens. Donc Gérard, c'était bien là le débat. Il y a l'amour, de ta vie qui te demande. Il y a Carole qui t'appelle. Gérard, oui, j'ai bien mon amour. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Oh. Tu veux qu'on fasse des choses, Gérard, il n'y a plus rien, reviens. On fait pas semblant, Gérard. Donc Gérard est parti soulager aux toilettes, je pense. Donc je crois que Gérard est parti aux toilettes. Mais c'est quoi cette fumée? Je pense que Gérard est allé se branler aux toilettes. Il fait semblant d'aller gerber, mais je pense plus que là, il y avait quand même une raison. Mesdames et messieurs, la direction s'excuse. L'enculeur de Suresnes est absent. Non, ça. Excusez-nous. Olivier. Oui. Oui. Soyez patient et posez des questions à sa place. Je chope plus la feuille. Non, il y a juste un message de Rachel pour l'instant là sur Minitel. De Paris qui dit moi ce que je préfère avec le cunnilingus c'est qu'après j'ai plus de croûte entre les lèvres. Ah, très drôle Olive, très drôle hein? Olive, bravo, bravo. Eh ben si c'est comme ça vous dégagez. C'est bon. Gérard, y'en a marre, c'est toujours les mêmes. Tu dégages. Jean-Luc, y'en a le bol. Allez Gérard qui arrive. Ah, Gérard arrive. Pourquoi il arrive en marche arrière? Il a encore un bout de Macédoine sous la lèvre. J'ai rien fait, Gérard. C'est la clim. C'est la clim. Arrête avec le truc là. Sur Minitel, il y a marqué, sur Minitel, il y a marqué que Gérard a un petit pas de cœur. Je vous explique, Gérard a un t-shirt RTL 2 sur lui. Écoutez vos envies. Et il semblerait qu'en fait, Gérard ait fait de la radio sur RTL 2 et qu'il ait ramené le nouveau PDG avec lui. Qui est un copain en fait à lui. Alors. Gérard, remets ton casque qui t'attendent tous les auditeurs. Non, mais attends. On pourrait avoir un t-shirt, s'il te plaît. Gérard, laisse ouvert. Gérard, est-ce que c'est vrai que... C'était Gérard. Le demi-frère du nouveau boss. Gérard, est-ce que c'est vrai que c'est le demi-frère du nouveau boss de Fun Radio? Non, laisse ouvert, hein. Oh, punaise. Eh, dis donc, c'est Lolita. Tu non, mais bon, moi ben, bon, je voudrais quand même répondre à Carole. Oui, mais bon, mais Gérard, avant de répondre à Carole, moi j'aimerais savoir si c'est à cause de toi que Benoît Billard est parti. Hein. Et bon, alors toi, tu fermes ta gueule, tu vas dégager. Mais c'est même pas qui c'est. Eh, dis donc, c'est Lolita, t'as pas envie de me voir? Mais si, on va partager. On reprend le débat. On reprend le débat, s'il te plaît. Non, c'est bon, il y en a plus, c'est juste la fin. Mais Gérard, on reprend le débat. C'est encore chaud, tu vois, c'est... On y va, on reprend le débat, Gérard, s'il te plaît, on y va. D'accord, Gérard. Bon. Alors, je vais continuer de répondre à, pour finir. Bon, tu me dégages Gustave et Simon, s'il te plaît. J'ai rien dit. Hop. Ils ont rien dit, ils ont rien dit. Gérard. Non, mais tu les calmes. Mais attends, Gérard. Tu les calmes, Gérard. Ça y est, ils sont calmés. Ils sont calmés. Tu les calmes, tu les dis que... Non, bon. Alors, maintenant, on va répondre, je vais finir par pouvoir répondre à Carole. Devant ton micro, ce serait mieux. Et si ça dérange personne. Et moi, ça me fait chier. Malgré qu'il y a de la jalousie dans l'air, mais c'est pas grave. Ouais, je m'en fous, moi. Donc, ma petite Carole adorée. Oui, ma puce. Donc, c'est... C'est pas grave, continue, je t'écoute. Vas-y, continue. Donc, c'est quand tu veux, moi, je fais ce que tu veux. Bah oui, moi, j'aimerais bien savoir si tu sais les faire, comment on fait. Ah, bah, ça... Tu verras, hein. Ça... Ah non, moi, je veux savoir avant. Non, attends, c'est la Carole. Carole, écoute-moi, ma chérie. C'est fini à la GA. Écoute-moi, ma chérie. Oui, allez, vite. Bon. Quand tu veux que je t'en fasse ça, tu me le dis, tu viens à la maison. Et... Ah non, mais ça c'est pas comme ça, hein. Moi, est-ce qu'on m'explique comment on le fait? Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Bah, moi, si tu me dis pas comment on fait, moi, je vais avoir peur, hein. T'as vu, t'as vu, attends, déjà, comment qu'on fait? Donc, déjà, je vais te bouffer ta petite chatte. Ouah. Et après. Qu'est-ce que c'est vulgaire? Bon, bah, oui. Toi. D'accord. Mais ma chatte, elle est rasée, oui, hein, monsieur. C'est très bien. Oh non, j'aime pas les chattes rasées. Ah, bah, désolé, je vais laisser pousser les poils, alors. Merde, c'est con, parce qu'avec les moustaches, ça va piquer. Ouais, non, mais ça pique pas, moi, je mets de l'adoucisseur. La mienne, elle est toute polie. Non, mais. Eh bien, Gérard, je vais laisser pousser mes poils, alors, rien que pour toi. Attends, qui c'est qui met de la douce, c'est ça? C'est mal entendu, elle se met la moustache. Mais Gérard, c'est très agréable avec la moustache. Eh bien, la vigirette, c'est pas la douceur. Bon, ta gueule, toi. Non, mais qui c'est qui met mes poils, Gérard? J'ai vaguement entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui mettait de la douce, c'est ça. J'aurais bien voulu savoir. Moi, je mets de la soupline. Bien sûr. Moi, je mets du rassage. Qui, moi? Bah, Gérard, moi, je me lave à la vanille. Bah, moi? Alors, Lolita, elle se lave au poupina, comme ça sent toujours bon. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai que tous les soirs, tu t'entraînes à t'asseoir sur le chat compact? Bon, allez hop. Non, mais laisse-le, Gérard. Par celui qui vient de dire ça. C'est pas bien au poupina, Gérard, ça sent bon. De l'autre côté. En mal entendu, ça n'est pas bon. Alors, c'est très agréable. Je disais que le cunnilingus, j'adore les faire. Ouais. Mais sans les chats rasés. D'accord, mais laisse-moi pousser mes poils pour ça. T'es déjà tombé sur un chat rasé? Non. Voilà, comment tu veux savoir que t'as un chat? Oh, la chèvre! Bah, oh, tu peux essayer, hein. Qu'est-ce que la chèvre? Hein. Tu sais la chèvre? C'est personne. C'est un film avec Pierre Richard. Non, mais apparemment, je viens d'entendre. Mais... Christine, elle avait la chatte rasée? Non, Christine, elle avait la chatte rasée. Christine, c'est pas un mec. Je réponds pas là-dessus. Bon, Gérard, quatrième question. Donc, deuxième question. T'as déjà réussi à avoir la chatte rasée? T'avais la chatte rasée, Christine? Elle avait la chatte rousse? T'as déjà réussi à avoir la chatte de Christine avec un tel agré, t'as à voir? Une femme aime-t-elle. Une femme aime-t-elle. La chatte rasée? Gérard? Je t'ai rasé le cul. Une femme aime-t-elle quoi, Gérard? Gérard, veux parler, c'est ta pupu. Elle avait de la barbe le matin. Gérard, est-ce que tu pourrais poser la deuxième question? C'est ta pupu. Ouais, ben, je te pose la deuxième question, ma chérie. Vas-y. Une femme, en telle. Eh, ben, j'ai la pupu. T'as vu, c'est agréable, hein. Eh, ben, tu diras au connard qui se met à dire Christine qu'il arrête, d'accord? Christine. Oh, il y a le téléphone. Christine. Gérard. Une femme. Est-ce que Christine avait la chatte rasée? C'est quoi la deuxième question? Une femme, c'est ça qui te demande. Christine au téléphone. Là, ben. Oui, c'est Christine. Est-ce que Christine, elle avait des poils sous les bras? Je voudrais savoir si Gérard pourrait pas sortir avec moi. C'est pas toi, là, au standard. Gérard, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que Christine et Carole t'ont quitté? Parce que t'as l'habitude d'uriner sur elle. Je vais te le donner. Gérard, c'est l'amour de ta vie, réponds. Hein, Gérard? Alors. Deuxième question. C'est pas. Allô, Gérard? Ça y est, vous avez fini vos conneries? Oui. Gérard, pose la deuxième question. Vous êtes content? Bon, là, vous êtes non, mais vous êtes content de ce que vous venez de faire? Mais fais pas attention! La deuxième question, Gérard. La deuxième question. Bon, oh! C'est bon, ils sont calmes. C'est bon, ils sont calmes. Gérard, ouais, ça fait un quart d'heure. Mais ça fait 10 minutes que j'étais en train de les calmer. Reprends ton débat, Gérard. D'accord? Gérard, c'est ta pupusse. Pose la deuxième question. Alors, une femme aime-t-elle faire un cunnilingus? Alors, moi, j'aime bien faire un cunnilingus à une autre femme. Qui? Carole. Mm-hmm. Non, moi, c'est Karima, elle dit non parce que. Mais attends, Carole, pourquoi? Carole. T'en fais gaffe parce que tout à l'heure, tu vas te prendre la main dans ta gueule, là. Ouais, t'en parles pas comme ça, Gérard. Quelle violence. C'est comme si t'as rien dit, Carole. Bon, hein. Là, tu me fais pas le coup de la semaine dernière, écoute, d'accord? Écoute, mon amour. D'accord? C'est comme si t'as un mec. Carole, je vais appeler quand j'arrive, mon amour. Réponds un peu. Mon amour. Carole, je t'écoute. Oui, alors. Oh, tu m'étonnes faire... là, je vois un bouton rouge allumé là, c'est pas grave. Hein? Bien faire non, non, l'autre, hein. Hein? Ouais. Ah, ouais, pas? Merci. Donc, oh là, c'est quoi ce bordel, hein? Super. Voilà, comme par hasard. On peut répondre, on peut répondre, alors, on peut répondre. Je t'écoute. Alors, j'aime bien faire un cunnilingus à une femme. Mmh. Comme j'aime bien si c'est un mec. C'est-à-dire? Voilà, lui. Non, mais attends, explique-toi. Ben, j'aime bien faire un cunnilingus à une nana. Ouais. Et c'est un mec. Et est-ce que tu pourrais m'initier au cunnilingus? Oui. Non, non, mais attends, pour l'instant, celui qui parle, pour l'instant, j'attends. Donc, les coordonnées sont au standard. Ouais, ben, c'est ça. Okay. Tu crois que tu vas parler à Carole Si on fait bien attention, monsieur. Là, tu rêves. Tu vois, Carole, pour l'instant, elle est pour moi. D'accord? Là, tu vas faire sauter, mon pote. Mais Gérard, il doit dire. Là, tu vas faire sauter. Elle n'est pas à vous. Là, tu vas faire sauter, mon pote. Tu vas faire sauter, mais. Eh bien, nous battrons en duel, monsieur. Mais là, ben, c'est ça. On verra. Gérard, il doit dire mon mot. Demain, sur le champ de Mars. Bah moi, je dirais le premier qui est le plus fort me prend, me saute. Bon, bah, j'ai gagné. Carole, je t'attends. Désolé, Gérard. D'accord, Carole. Attends, ma chérie. Tu veux jouer comme ça? Mais non, je pense que ça va être toi. Bah, écoute, Gérard, c'est le plus fort, là. Bah, alors, Laurita, si Carole, tu pouvais répondre, s'il te plaît. Ouais, jouer Carole sur un ni oui ni non. Bon, bah, écoute, de toute manière, t'inquiète pas, le ni oui ni non. Bon, bah, écoute, moi, Lolita. Oui, bah oui, j'attends qu'on me laisse. Voilà, moi personnellement, je l'ai jamais fait parce que je suis pas gouine et j'aime pas les nanas, donc je pense et j'espère ne jamais savoir ce que c'est. Oh là là. Oh, attends. La coiffe. T'as jamais goûté? Non, j'ai jamais goûté. On peut très bien être une chaude et pas aimer les nanas. D'accord. Bon, bah, Lolita, je te prends à la prochaine pause en antenne. Bon, Carole, je te prends en antenne. Non, non, mais pour l'instant. Mais laissez-moi tranquille. Pour l'instant, vous foutez la paix à Carole, d'accord? Merci, mon amour. T'as de l'espoir derrière. Le Lascar, si tu continues, je t'entends encore une seule fois dire Carole, tu vas saquer. Ouais, mais maintenant, comme t'as une grande gueule, oui. Eh ben, tu vas l'ouvrir. Bah, oui, voilà, c'est fait. Bah, le problème, Gérard, c'est que t'as pas l'impression de savoir, c'est que Carole et moi, on est la même maison, alors les boules pour toi, quoi. C'est ça. C'est ça. Eh, la même matière dans la culotte d'un homme. Comment? Tu préfères Carole ou Lolita? Bon, t'arrêtes un peu avec ton bordel, là. De toute façon, Carole, c'est une pute. Non, on va pas parler d'elle parce qu'elle va prendre la confiance. J'ai mal entendu le mot. Attendez. Carole, c'est ta mère. Bon, alors, qui c'est qui vient de dire ça? Les filles. C'est les filles. Je l'ai vu. Bon. Excusez-moi, mais quand Carole, elle arrêtera de sucer des bites par taille de nous, on en parlera. Carole. Ah bah non, je sais pas laquelle c'est, toutes les filles dehors. Hein. Non, tu me laisses Carole parce que c'est pas Carole qui a été stressée depuis toute seule. Ah, je suis pas sûr, justement, j'ai un doute. Non, mais attends, c'est entre Lolita et Karima et Maïva qui l'ont traitée de pute. La reine des putains. Qui c'est La master pute. Ouais. Ouais. Le mec dehors. Gustave ou Simon dehors. Hein, c'est la pute du poisson. C'est pas parce que je vais traiter de pute quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Karima. Quoi? Tu réponds, s'il te plaît, à la question? Quelle question? Bon, allez hop. Fous de ta gueule, c'est incroyable. Ouais, bravo, Karima. C'est la première nanette expert de la soirée. Elle joue bien dire. Allez hop. Arrête de crier. Maïva, s'il te plaît, tu réponds. Oui, alors moi, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un cuni, mais je ne suis pas du tout contre l'idée. C'est-à-dire que si j'avais l'occasion de rencontrer une fille un petit peu chaude et qui puisse m'apprendre tout ça, ce serait avec grand plaisir que je mettrais ma petite langue. Ouais, mais de toute manière, t'as pas besoin d'avoir une nana spécialement avec toi, tu peux très bien tomber sur un mec. Ah, mais alors là, c'est pas un cunilingus, c'est une fellation. Et par contre, pour les fellations. Bon, toi, tu sais, pour les fellations, avec moi, Gérard, pourquoi tu pleures? Non, c'est pas moi, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Les fellations, je suis la reine. Je suis là derrière. Non, mais t'inquiète pas, c'est un petit. D'ailleurs, si tu veux. Gustave ou Simon qui s'amusent à faire les cons. Gérard, si tu veux, je peux même passer un petit peu plus tard après ton émission. C'est Maïva et je voulais même te dire que j'aimerais bien être la première à pouvoir tuer en direct. Alors, dans ce cas-là, Maïva! Oui, Gérard! On se calme! Oui? Maïva! Oui? T'habites où? J'habite à Paris. À Paris? Ouais. Il va te payer le taxi. Pardon? Il va te payer le taxi. Non, mais j'ai une voiture, donc c'est même pas la peine de me payer un taxi. Eh ben, Maïva! Caramel, je suis avec Maïva. Gérard, comment tu fais un cunis Cunningus et que je sais. Oh, oh, Maëva. Oui. Gérard, on accueille. Attends, on accueille Elisa. Alors, attends, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, tu me calmes oui, un peu tout oui, le oui, bordel. Mais je te dis quand même qu'on accueille Elisa à la place de Karima. Et Maëva, elle arrive ou pas? Non, Maëva, c'est moi, Maëva. Gérard. Elisa, bonsoir. Bonsoir. Gérard. Ta gueule, toi, pour l'instant, c'est pas. C'est pas Gérard, on n'insulte pas. C'est qui que ça dit ta gueule? Pour l'instant, c'est au mec. Alors, le mec, il va fermer. Il va se taire, voilà. Ouais, il va fermer sa gueule. Voilà, donc. Après une question? Carole, tu voulais me poser une question? Non, non, je disais que je commençais à devenir jalouse. Ouais, tu vas pas jalouse, ma chérie, bah, si, tu vas faire du tu vas jamais être jalouse. Mais t'inquiète pas, ma chérie, Carole. Mais ouais, mais tu vas te faire du son direct. Moi, ouais, je vais Carole, pas t'inquiète bah, pas. Carole, t'es une pute, Carole. Alors tu vas la puce, connard. Carole, ma chérie. Ma chérie, quoi, tu sais très bien que mon corps. Ma chérie, là. Bon, et tu me dégages le lascar avec, qui dit que Carole, c'est une pute. C'est Maëva qui dit ça. Pardon? Non, non. Non, mais ça va pas, hein. Voilà. Donc, Carole. Ah, y a de la volaille. Oui. Oh, qu'est-ce que je viens de te mais dire? Mais Carole, si tu veux, là, c'est Maëva. Moi, ça me dérange pas que tu sois là, hein. Non, non, mais Maëva. Maëva, s'il te plaît. Maëva. Oui, Gérard. Il est 3h05, tu raccroches et tu te mailles allez, une autre question. Tu finis à quelle heure, Gérard? Je suis à côté. Je finis à 4h. Je finis à 3h, Gérard. Non, je finis à 4h, justement. Carole, on donne rendez-vous à 4h devant la radio. il la rappelle là, Gérard. Gérard. Oh. Ça y est, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle va. Elle va. Elle va. Elle va. Elle va. Elle va. Elle va. Elle va. Ça sert à rien, ça passe pas l'antenne, alors arrête. Et putain, mais t'es... Ouais, tu travailles ou pas, là? Je suis en train, Gérard, je suis en train. Mais attends, mais c'est pas vrai. Mais c'est là, Gérard, elle est là, elle est arrivée. Mais c'est pas ce genre d'ordi, ça, merde. Je suis désolé, Gérard, j'ai pas fait exprès, j'ai les doigts. Oh, tu fais jamais exprès, connard. Ça arrive, Gérard, ça arrive. Putain, mais c'est pas là, c'est ta merde. Ça y est, Maïva? Oui. Oui, si, je sais pas, Gérard. Oh là là. Ouais. Maïva? Allô? Ouais, c'est moi. Bon, t'arrives ou pas? Ok. Bon, bah, on t'attend. C'est toi, Gérard, c'est toi. Bon, bah, on t'attend tout de suite, alors. Attends, okay. attends, dis-lui, elle est chaude ou pas, là? Elle est bien? Non, non, mais non, t'inquiète pas. On prend dans 10 minutes. Non, mais... On prend dans 10 minutes. Non, mais je m'en occupe après. Hein? On t'attend qu'elle vienne. Elle est brune, blanche. Bah, on t'attend, ma chérie. Attends, dis-lui, tu vas lui bouffer la chaise. T'inquiète pas, je te réserve pour mettre de surprise après la maison. Comme par exemple, dis que tu vas lui bouffer. Hein? Vas-y, dis que tu vas lui bouffer. Tu viens? Dis-lui! T'inquiète pas, vas-y. Dis-lui! Gérard! Dis que tu vas lui bouffer. Bah, de toute manière, t'as intérêt à prévenir. Ah, viens, des capotes. Ben, tu viens avec des moyens de contraception. C'est des capotes, Gérard. Dis qu'elle vient avec des capotes. Non, non, mais attends. Pour l'instant... Allez, passe à moi, je vais me la draguer. Non, non, non. Personne ne va me la draguer. Vous me la laissez. C'est à moi, ça. C'est à moi, d'accord? Combien ça, il reste? Sur les 10 minutes. Une minute. Bon, il te reste plus que 35 minutes pour venir, moi, chérie. Ok, on t'attend. Ok, à tout de suite. Dis qu'elle lui bouffer la chatte. Bisous. Sur le sujet. Vas-y Michel, t'es le bienvenu. Non, attends, vous allez bien. Michel, Ça, vas-y, Michel, continue. Je voudrais. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend. Je m'appelle Michel, j'ai 47 ans, j'habite Tarascon, j'ai vécu l'homosexualité pendant 5 ans. Oui. Je voudrais réagir sur le sujet. Je sais que Gérard pourrait me défendre. J'ai plusieurs problèmes avec mon petit ami qui me le fait plus de cunilingus. Mon ami ne me fait plus de cunilingus, je suis homosexuel, je m'appelle Michel, j'ai 47 ans, j'ai Tarascon. Est-ce que quelqu'un a l'ombre? Allô? Non, attends, il y a eu pour ce qu'il y a. Vas-y, reprends le débat, Gérard. Alors, Carole? Oui? Ma chérie? Oui, voilà. Ben voilà, ça marche. Pensez-vous qu'un cunule adulte. Vas-y, Gérard, pardon. Peut faire mal? Vas-y. Pensez-vous qu'un cunule adulte fait mal à une femme? Alors, oui. Carole? Non, bah non, ça peut faire que du bien, hein. Oui. Partiellement. Bon, si, c'est vrai, sauf si on te tue, si on te la balle. Si le mec a un appareil dentaire, ça fait. Ouais, si t'as un croche, le clito, ça fait mal. Hein. D'accord. Est-ce que t'as déjà eu un clito qui est resté coincé entre tes dents, Gérard? Hé, t'as jamais. Mais c'est pas la question, c'est ton amour. Ouais, c'est Simon, je pense que c'est rien. Tu me dégages derrière, Simon. Gérard, est-ce que t'as déjà eu un clito coincé? Lolita. Oui, t'as déjà eu un clito. Lolita, s'il te plaît. Non, tu mets ton. Tu m'entends? Lolita. Bonjour, Lolita. Lolita, je t'écoute. Ouais, bon bah, écoute-moi, avec tout ce qui se fait au niveau piercing et tout, Yana, ça doit pas leur faire du bien quand même, elle sent un peu folle. Hein. Non mais attends, je te parle pas du piercing. Non, je mais pensez-vous qu'un cunnilingus puisse faire mal à une femme? Oui, mais la toucherait vous. Non mais attends, je ne vois pas le rapport avec le cunnilingus et le piercing. Mais si, ça va, ce sont des piercings à la chasse, hein, Gérard. Moi, sur les autoroutes en construction, j'ai vu des femmes tracer des lignes blanches avec leurs clitos. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez avancer avec les dents, ça va faire mal à Gérard, c'est vrai, hein, parce que... S'il vous plaît, mes chéris. Non, mais c'est vrai, je réponds à ta question, parce que... Et attends, Lolita. Oui. Lolita. Lolita, tu te calmes, s'il te plaît. Gérard, si on a un piercing sur le clito, c'est rare quand on le lèche. C'est Lolita l'appareil, tu me disais? Bon, pour l'instant... Olivia, c'est de la merde! C'est un mystère. On peut rien faire, il y a le directeur technique qui est en train de travailler en ce moment. Non. Pour l'instant, c'est toi là qui t'amuse. D'accord? Je m'amuse pas, tu vois. C'est pas de bain. Alors c'est Lolita, je suis calme. Olivier! Gustave et Simon, tu me les dégages. Non, Bagné. Allô? Allô? Ouais? Lolita? Oui? Oui, mais je pense que c'est un rapport parce que suffit que le mec qui fasse avec une lingue, c'est une nana qui a un piercing sur le clito, ça doit lui faire très mal. C'était pas hard, hein, ma réponse, hein? Moi, j'en vois, elles ont des piercings. C'est horrible. Enfin bon, personnellement, j'en ferais pas, quoi. D'accord. T'aimes bien faire des cunnilingus? Moi j'aime. Non, je t'ai répondu tout à l'heure que j'aimais pas ça, j'aime que les mecs. Non, mais attends, Lolita. Ouais. Lolita. Ouais. Tu poserais pas de ma gueule un peu? Ah non, c'est ça. Lolita, tu poserais pas de ma gueule? Bah non, c'est ça. Tu t'es acheté un masque et un tuba? Non mais attendez, c'est Lolita, je voudrais savoir pourquoi tu dis que je me fous de toi. c'est Christophe qui te parle. Non, Christophe, tu fermes ta gueule, d'accord? Ouais, ok, y a pas de problème. Je voulais juste te demander un truc. Est-ce que tu aimes les piercings? Christophe, tu la fermes sur le côté que je me laisse. Est-ce que tu aimes les piercings? Tu t'écrases, Christophe, tu te la fermes. Pas de problème, je m'écrase. Et tous ceux qui se marrent derrière, vous allez vous la fermer. Alors c'est toujours le visage. On n'est pas entendeur. Bonne nuit, c'est la dernière fois. Arrête. Allez, pose ta question. Bon alors, Gérard, c'est Lolita, qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas? C'est le fils caché de Gérard qui pleure. Gérard, tu peux me répondre? Gérard, c'est ton amour qui te parle, alors écoute-moi. Attends, Carole, je t'appelle pour un son. Tu me laisses finir avec Lolita? Bah alors finis, réponds, parle. Donc Lolita, tu te foutrais pas de ma gueule un peu? Bah non, mais tu feras ta gueule, Gérard. Non, tu oserais pas te foutre de ma gueule, tu prendrais pas le train par hasard. Mais non, elle est mariée, elle a pas que ça à faire de se foutre de ta gueule, Gérard. Bon, quelle heure arrive la suceuse là? Prends ta gueule, toi. Vas-y, termine, Gérard. Non, mais attends, Lolita. Oui. Lolita, de toute manière, je vais te prendre en antenne et tu vas me dire vraiment ton identité parce que t'as okay. Me dit quelque chose. On revient sur le débat. Elisa. Dans combien de temps tu me prends en antenne? Non, on revient sur le débat maintenant. Elisa. Oui. Donc, pour toi c'était quoi déjà? C'est quoi déjà? Alors, la question, pensez-vous qu'un cumulagus puisse faire mal à une femme? Voilà. Je te dis, c'est un appareil dentaire. Mm-hmm. Une grosse langue. Ça, ou une grosse langue. Une langue drapeuse. Tu calmes le mec, s'il te plaît. Ta gueule, mon frère. Marieux, allez, il dégage. Celui qui vient de dire ta gueule, tu me le dis. Hop, ça y apprendra d'être poli avec moi. Donc, Elisa, je t'écoute. Oui, alors je vais recommencer. Mm-hmm. Je vais faire masse. Un appareil dentaire ou, je sais pas, si tu manges en même temps des pop-corn, par exemple, ça peut être dent cassée. Mm-hmm. Ou si tu as une dent cassée, tout à fait. Ou si tu as des grosses verrues sur la langue ou des chicots de travers. Mm-hmm. Non, il n'a pas tout ça. Si tu simplement fais mal. Quoi. Attends, ouais, j'ai Elisa. Oui. Je vais te poser une question. Bon, c'est le titus derrière, si c'est l'amour de ma vie, tu vas te calmer un petit peu. Ouais, bah, ouais, bah, tu vas te calmer, ma chérie. Ah, donne-moi un sirop. D'accord. Je te donnerai du sirop standum vendredi à la fin. Okay. Est-ce que t'as aimé ou pas? Bah oui. Je viens de dire, au sondage, s'il te plaît, tu vas te calmer, tu vas me virer le mec. Quand je parle à une nana, s'il te plaît, merci. Ouais, oui. D'accord? Bravo, Gérard. Il m'avait dit que j'étais là sur le clito. Il m'a bien dit une chose. Allô? Oui, je t'écoute, Elisa. C'est intéressant, quand même, tu pourrais m'écouter. Mmh, je t'écoute. Du Nutella. Donc, mmh. Sur mon clito et allez, je suis. Attendez, moi il y a une question que je posais à Maïba et Pula, donc Elisa, Lolita et Carole. Moi il y a une question que je commence à. Parce que sans arrêt, j'en entends parler sur l'antenne. Comment on fait les bébés? Non, ça, comment on fait les comment bébés, c'est. Non, bah ça, je peux pas te dire parce que j'ai pas essayé. Oh, s'il te plaît, Olivier, merci. Bon, qu'est-ce que je viens de te dire au sondage, s'il te plaît, tu me vires le mec? Merci. Bon, vas-y. Donc Elisa, Lolita et Carole, alors moi je vais vous demander une chose. C'est mon amour d'abord. Oui, mon amour de ma vie adorée. Ouais. Je t'adore, ma chérie. Alors vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. Bravo. Gérard, on accueille Sophie tout de suite. Bonjour, Gérard, en fait, excuse-moi, c'est Maëva, j'ai menti au standard parce que en fait là j'ai eu un petit problème. Je viens de me rendre à la radio. On appelle pas le chéri. Donc, Elisa, Lolita et Sophie. Oui, mais Gérard. Oui, Maïva. Je voulais savoir, il y a une grande télé dans le hall. Mm-hmm. Ouais, c'est quoi qu'on voit à la télé? Bien sûr, on l'appelle. On appelle Thierry là tout de suite. Okay. Thierry? Oui. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu vas pas laisser descendre la nana? Ah, Thierry. Ah non, mais j'en ai rien à foutre, elle descend pas. Hein. Bah attends, tu permets, elle est invitée par moi. Non, c'est le genre de question qu'elle descend, hein. Pour l'instant, elle est invitée, tu la laisses descendre, s'il te plaît. Non, moi je la garde pour moi, Gérard, dans le hall. Max, tu vas me chercher. Il veut la garder pour lui. Il veut la garder pour lui. Ah oui. Ah non, moi je voulais citer des yeux en direct. Ah mais attends, elle voulait rajouter un truc, tu l'as vu sur grand écran? Ouais, voilà, c'est ça, je voulais dire. Alors, Maïva. Attends. Maïva. Ouais. Maïva. Oui. Attends, Thierry, tais-toi, il va parler, alors. Ouais, attends, Gérard. quand même une sale gueule, hein. Ok, tu la laisses pas rentrer. D'accord, elle ne rentre pas. Ça va être elle rentre pas. Tu viens avec une copine ou pas, Maëva? Ben voilà, mais donc moi je voulais savoir si je pouvais revenir. Yeah. président, Gérard, président, Gérard. J'ai plus de DAT. Si t'as plus de DAT, ça me fait une belle jambe. Carole, Lolita, Elisa et Sophie. Oui. Il y a Sophie maintenant. Oui. Donc Maïba, elle est plus là. Oui. Donc moi, il y a une question que je suis en train de me demander, parce que sans arrêt, on nous entend sur l'antenne. Oui. À quoi que ça sert qu'on s'amuse avec de la nourriture sur bouffe? Parce que c'est vachement... Parce que c'est excitant, c'est bon en plus. Ouais. Hein. C'est un plus. Que la chantilly. Hein. Mmh. Ah, attendez. Chacune goutte d'eau. Les animaux, ils ont une texture et en fait, ça Sophie. Ça c'est génial. Sophie. Allô? Sophie. Oh, c'est Lisa, là. Bon, Sophie. Allô? Allô? Bon, alors, Lisa. Lisa, je t'écoute. Alors, Sophie. Oui, c'est Sophie. Je t'entends, Gérard, t'as le tableau. C'est Lolita, là. Je veux savoir, Gérard, si t'aimes te faire chier dessus. C'est Lolita. Mais. Tu me vires le tableau qui se prend pour Sophie. Non, c'est Sophie, je reste. C'est Sophie. Alors, Gérard, c'est Lolita. Moi, je suis avec la chantilly. Laissez parler les tableaux, on a le droit à notre intégrité. Ben oui, vous avez un credo comme les filles. Hein. Gérard, laisse parler les gens. Point convivial. J'ai un clitobit. Bon, Gérard, c'est Lolita. Si tu veux, je te réponds. Alors, réponds avec le logo. Il n'y a plus de mec à l'antenne. Non, c'est pas là, ce bordel, c'est une fille. Allô? Bon, Gérard, c'est Lolita, je te réponds ou pas? Eh ben oui, c'est Lolita. Vas-y, réponds, pardon. Si, si. De quoi? Parle. Brouille pas. Parle, Lolita. Oui, il a remis une casque ou pas, Gérard? Oui, t'écoute, vas-y. Bon, bah écoute, moi, personnellement, j'aime bien, mais uniquement avec la chantilly, tu vois. Ouais. Ouais, alors moi, je préfère avec du Nutella, de la fraise. Oh, c'est dégueulasse. Et de la chantilly. Et champagne. Ouais. De la confiture, du champagne, des fraises. Et puis tu te fais un banana slip avec la queue de ton mec. Bon, Carole, ma chérie. Oui. Carole, et toi? Alors moi, comme je viens de dire, Nutella, fraises, confiture, chantilly, champagne. Moi j'ai déjà fourré une chatte avec de la macédoine, c'est excellent. T'as vu, là, toi, c'est pas fait pour ça. Quand tu peux l'entendre, tu fais un chat, tu viens, toi. Avec de la macédoine, ça peut faire. Ouais. Vous allez réfléchir. Le problème, c'est que les morpions, donc c'est pas fait. Avec des puces et des manchots, ça peut être excellent aussi. Non. Il faut casser le manchot sur une chatte en chaleur. Ouais, vous commencez à me faire chier, monsieur. Il faut casser de manchots. Terminé. Tu aimes. Hé, Gérard. Fulda. Tu m'entends? Fulda. Allez, Gérard. Allez, Gérard. Vous commencez à me cacher, là. Mais Gérard, crie pas pour toi. C'est ça qui est marrant, Gérard. Gérard. C'est quoi cette histoire de train, Gérard? C'est Lolita. Oh, tu m'écoutes à l'antenne, là. Vous commencez à me cacher avec la fumée. D'accord? C'est toi qui déconne, ok? Si tu n'aimes pas les mecs de Suresnes, crie enculé. C'est bon là. c'est bon là, putain, faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait, Gérard? Là. Qu'est-ce que j'ai fait, Gérard? Gérard, non. Tiens. Toi, tu vas arrêter, dis ça, avec la fumée, ok? Ça vient de là, d'accord? Il me l'a balancé dans la gueule, j'en ai rien le bol. Non, c'est vrai, il a raison. Ok? De temps en temps, mais pas tout le temps, les mecs, c'est bon. Quoi, avec ta caméra, tu l'as viré? Allez, viens. Et quand ils sont là, tu vas travailler. Mais c'est vrai, il y a. Ok? Non, mais lui, regarde là, il y a Maïva. Non, oh, fais gaffe avec tes fils. Bon, belle dix. Il y a un petit problème, on va remettre le billet, il y a une petite coupure. Ouais. Voilà, et si vous voulez toujours nous appeler pour le débat de Gérard, reste encore 20 minutes, c'est le 0800. Bon Gérard, alors, toujours pas prêt, jamais prêt. Tu prépares pas tes débats, t'es pas prêt? Ça commence à bien faire la fumée. La fumée? Ben d'accord. Ok. Tu écrases ce que tu as dans la main, en plus fumer. Tu vois, pour l'instant, j'ai rien dans la main, d'accord? Donc c'était mon petit biscuit avec une capote incluse. Voilà. C'était pas trop et c'était. Donc on continue la suite du débat. Bon, on attend, Gérard. Donc alors pourquoi Cléna aime me faire incliner la gueule alors Carole? Bonsoir. Rebonsoir. Donc je te pose la question. C'est quoi déjà? Oh, qu'est-ce que je viens de te dire là? Gérard, c'est quoi? Pourquoi les nanas aiment faire des crinis d'ingus? Pourquoi il y en a à faire des crinis d'ingus? Parce que un cristo, c'est comme un petit cornichon et que c'est bon à avaler, à citer, et que quand t'écartes, enfin je pense en poils bien évidemment. C'est pour ça que c'est acide. Parce qu'avec des poils c'est pas bon, ça pue le pipi. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Attendez. C'est quoi la liste? Ça sent pipi. Elle est devant toi, Gérard. C'est celle-là? C'est celle-là. Bon, alors, c'est... Carole, tu me disais donc... Ouais, donc je disais que je recherchais un clinagus pour demain soir. Mmh. À la loco. Ben, t'inquiète pas, je suis là demain soir. Ouais, mais t'as pas de clito, toi. Toi, Robert et Didier, vous commencez à m'aimer des conflits. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous la fermez. Bonsoir. C'est très beau. Didier et Robert, vous la fermez. Gérard, crie pas, s'il te plaît. Sans vidéo, d'ailleurs. Non, Gérard, tu mets ton débat. Dehors pour Didier. Non, mais attends, Gérard. À chaque fois qu'il y a un mec, tu le vires au bout de la seconde. Essaie de... Bah, pour l'instant, il y a que... Tu n'arrives pas à mener ton débat. Je demande une réponse aux nanas, je ne demande pas les mecs. Mais pourquoi on ne peut pas les mecs? Je ne pose jamais des questions à qui. Je demande jamais de réponse aux mecs. Gérard, c'est ton amour. C'est vrai, tu n'as jamais répondu, les garçons. Parce qu'il y a un peu répondu. C'est la grande gueule de Didier, tu vas répondre maintenant. Voilà. Vas-y, Didier, réponds. Vas-y, grande gueule. Alors, vas-y, réponds maintenant. Allez, des couilles. Ah, Didier! Je sais plus quoi dire. Bon, allez, hop, bonne nuit. Bon, c'est pas grave. Robert. Oui. Alors? Moi, j'aime bien les cunnilingus. Pourquoi? Parce que je trouve que... faire plaisir, bon, ça fait pas trop plaisir aux hommes de faire les cunnilingus, parce que les bouillures vaginales, c'est pas trop mon truc. C'est mais c'est vrai que c'est... faire des pipes? Pardon? C'est vrai, hein, les pipes, ça pue parfois. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème, c'est toi qui le fais. Moi, je te parle pour moi, quoi. Quel goût ça a, la bouillure vaginale? Bah, ça a un goût un peu de... Un petit peu, si tu veux, un petit peu, quoi. Ah, mais... Tu vois le truc? Tu vois le délire? Sophie? Oui? Sophie, pour toi? Sophie, s'il te plaît. Elle est partie, Sophie, elle est partie. Ah bon? Et puis, il y a de la mouillure qui sont plus forts que d'autres. C'est qui parle, là? Parole. Pourquoi tu dis ça? T'as déjà essayé Parce qu'il y a des femmes qui sont plus fortes que d'autres. Mais comment tu sais ça? Bah, parce que j'ai déjà essayé. D'accord. Tu sais qui a déjà essayé, c'est Carole? Oui. D'accord, ma chérie. Deux fois. Ok, mon amour de ma vie. Elisa? Ouais, elle n'aime pas faire des canines. Bah, tu devrais essayer. Bon, enfin, moi, je dis qu'une femme qui se lave, ça ne peut pas sentir mauvais. Ouais, ça, c'est vrai. Non, mais attendez, Lolita, surtout avec de la noix de coco. Bon, d'accord. Peut-être que c'est quelque chose de sujet. C'est comme un mec, d'ailleurs. Un mec qui se lave, si la chouinerie, si ça sent, ça pue. Hein. Gérard, est-ce que tu laves le gland? Est-ce que tu... Ouais, le pain, le sondage. Je les calme, Gérard. Je les calme. Alors, gère ton débat. Tu dégages celui qui vient de parler français, d'accord? Gérard, c'est ton amour. Oui, comment tu te laves la queue? Ah, ça ça c'est... Allô, Javel. Bah, comme tu le prends, avec du savon. Allô, Javel. Non, mais est-ce que tu te décalotes pour laver ton gland? Moi, ce que je veux savoir, parce que c'est très important, parce que si je te le dis, je veux pas que ça sente mauvais. Hein. Est-ce que tu as des mycotes? Ça lave à la bière. Alors, oh, celui qui vient de dire que tu as la bière, tu dégages. Mais c'est pas grave, laisse-le et réponds à ma question, mon amour. Est-ce que tu as des petits points blancs sur le... Maîtrise, laisse tomber, Gérard. Ça lave à la Valster. Bon, alors... Alors, est-ce que tu te laves? Oui. Est-ce que tu te décalotes? Oui. Mais quand c'est vrai, ça? Comment tu fais pour décaler? Alors, comment ça se fait que parfois, on dit que tu as la culotte jaune? Non, mais attends. Gérard, 30 secondes, un truc super important, je viens de revoir Maëva, elle veut te dire un truc. Oui, attends, parce que là on parlait d'un truc sur la culotte jaune, de Gérard. Ça commence à me les gonfler, Maëva. Gérard, autant Françoise porte pas de culotte, autant toi tes slips sont jaunes. Non, alors attends, déjà une. Attendez, stop, s'il vous plaît, déjà une. On n'est pas là pour parler de Françoise, d'accord. Non, mais c'est ce que... J'en ai rien à foutre. C'est dans le débat. Dans le débat. Oui, mais même, celui qui parle de ça... Tu dis pas les gens. Non, mais dans ce cas-là, celui qui parle de Françoise... Il a qu'à l'appeler le mardi. D'accord. Quand on décide de attendeur, ça le pense, c'est possible de le dire. On décide plein de pistes. Ça, non mais attends. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est faux, d'accord. Je vais te demander. Ça c'est faux, d'accord. D'accord. Donc, on demande entendeur, salut. Gérard, c'est Maïva. Tu prends... Tu m'entends? Tu prends les gens pour les comptes? Non, dis-moi, tu sais d'où je t'appelle? Non, juste pour le compte. T'es où, là? Au 143 Charles de Gaulle. Tu descends. Le débat à mes côtés. Et là, tu vois, il y a un truc génial. Je suis en face de moi sur l'écran et je suis pas toute seule. Je dois te dire, je suis au téléphone, mais je suis pas toute seule. Tu vois, dans le hall, tu connais très bien, il y a un siège derrière la réception. Et là, je suis assise, enfin, un petit peu plus qu'assise sur Thierry. Et qu'est-ce que tu fais? D'accord. Eh ben, Maïva, tu te démerdes. C'est terminé, on fait conclusion. Tu fais que tu l'aides et c'est lourd. conclusion. Deuxième question. Gérard, s'il te plaît, c'est ton amour. Non, non, c'est conclusion maintenant. Gérard, s'il te plaît, hein, tu vas pas commencer ton chichi, ton chacha. Hein. Gérard, deuxième question. Non, c'est terminé, conclusion. Arrête. Gérard, est-ce que tu aimerais jouer ou pas chichi? J'ai dit conclusion. Gérard, allez, réponds. Conclusion. Alors, conclusion. Conclusion. Le débat sur les langues étrangères, c'est à quelle heure? Conclusion. Personne ne veut faire la conclusion. Oui, alors là, eh ben, vous allez retrouver le... Quoi. Eh ben c'est bien, c'est vraiment un super merci, coup. Merci, tu peux monter, Gérard, mais non, pas de problème. Non, mais tu vas te foutre, j'aime pas les... Gérard, quoi? T'aimes pas les quoi? J'aime pas celles qui promettent des trucs et qui viennent pas. Mais attends, est-ce que tu viens? Salut, Maïva. Salut, Maïva. Salut. Viens, je t'attends. Non, non, non. Mais vas-y, pas de problème. Carole, ta confusion. 32 coups à la suite, ça me dérange pas. Carole, ta confusion. Ta conclusion, c'est ta choix. Alors, j'ai trouvé que le débat était très bien par rapport au premier et que, en fait, c'est qui fait ça? Gérard! Carole, ta conclusion, s'il te plaît. Je pense que tu devrais prendre ton pied avec Maëva là-haut. D'accord. Lolita? Oh, bah, moi, à contrario, j'ai préféré le premier débat. Parce que comme je t'ai dit, j'ai jamais fait de cuny sur une nana et j'espère que j'en ferai jamais. Donc moi j'ai préféré le premier débat, voilà. D'accord. Elisa. C'était super sympa. Merci pour la fumée, les vieilles. Non mais amuse-toi bien. Amusez-vous bien. Continue encore avec ton bordel là. C'est quoi cette histoire de train, Gérard, que tu me disais tout à l'heure? Non, non, mais t'inquiète pas. Bon, je commence à le voir. Et toi, Gérard, Gérard est encore parti. Gérard, reviens. Ça commence à bien faire là. Ouais, non, mais tu regardes là. C'est quoi là ce bordel encore? Gérard. Ouais, non, mais on coupe tout de suite. Toi, tu dégages. Aïe. Tu dégages avec tes caméras. Tu dégages, c'est encore une. Tu sors. Caméra invisible. Allô, alors, c'est Michel. Michel. Oui, bonjour Michel. Bonsoir, je voudrais... Tu laisses la porte ouverte ou sinon... Non, mais c'est pas tout. Alors, bonne nuit. Bonne nuit à tous, vous avez retrouvé Marc et... La nuit sans pub, vous retrouvez Max du soir à 22h. Du jour, finalement, à moins 10. Non, non, mais moi j'arrête. Je continue pas avec vous de fumer comme ça. Il y a quelqu'un qui voudrait parler. Oui, alors. C'est Michel, je voudrais conclure pour le moment. Oui, mais conclue. Dégage! Dis Michel, conclue. Dégage! Ok? Yes. Dégage! Gérard, il y a ta conclusion. Dégage! Moi, t'attends, Gérard. Et moi, je retourne, tu dégages, je retourne, tu dégages. Moi, t'attends, Gérard. Gérard, je t'attends. Attends, tu dégages! Tu dégages le bordel avec ta caméra! Continue, c'est ta tu dégages! Conclusion. Tout le monde t'attend, Gérard. Gérard? Tout le monde t'attend, Gérard. Gérard, reviens. Gérard. Attends. Reviens, Gérard. C'est pareil. C'est pas toi qui vas prendre dans la gueule, d'accord? C'est rien. Non, c'est rien. Attends, je vais m'attaquer. Gérard. C'est bon. Gérard, il n'y a rien du tout, regarde. On est là, on est là. Gérard, tu reviens. Il n'y a rien, Gérard. À la semaine prochaine, peut-être. Bonne nuit à tous. Non, Gérard. Conclusion. Gérard, on est en conclusion. Tu fais ta conclusion. Rassieds-toi. Dégage la merde. Fais ta conclusion. Dis-le, tu m'ouvres la porte. Gérard, fais ta conclusion, s'il te plaît, Gérard. Carole te le demande. Je dis ça aussi. Mon amour, fais ta conclusion. Gérard. Tu m'entends, Gérard? Gérard. Arrêtez le mec, c'est dangereux de la non, assieds-toi. Non, assieds-toi. Gérard, mon amour. Qu'est-ce qui se passe, là? T'as cassé la poignée. Il a cassé la poignée. Elle est là. Là. Bien joué. Bravo, t'as tout pété, là. Bravo. Oh, mais c'est dangereux, la fumée. Ouais. Mets ton casque. Abruti, là. Leur connerie de fumée. Abruti. Ouais, mais quand t'as... Abruti. T'as le droit de me bloquer la porte. Mais c'est pas moi, attends, c'est votre survenu, elle est cassée, la porte. Abruti. Tu sais qui ça nous amène, ben, Marc-Claude. Gérard, ta conclusion. Pété la porte. Ta conclusion, Gérard. Moi, y'a plus de conclusion. Voilà, alors faites votre conclusion sans Gérard, y'a pour l'indice. Allez, sans Gérard. Allez, Carole. Alors, moi, j'ai trouvé que le débat était très bien. Est-ce que je m'entends toujours pensant à Gérard ce soir? Mm-hmm. Mais j'aimerais bien qu'il fasse la conclusion quand même. Bah tu vois, elle te le demande, Gérard. Carole veut que tu fasses la conclusion, Gérard. Lolita aussi. Eh bien, Lolita. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il veut pas, il vous parle plus, quoi. Il va pas faire ça. Mais moi, je t'ai rien fait, Gérard. Hein. Alors bon, c'est Max, on va faire la conclusion sans Gérard, c'est pas grave, on s'en fout, vas-y. Mais non, on a envie de l'entendre, Gérard. Mais Gérard, il est pas là, il est parti, il fait sa tête, il boude, parce qu'il y a 2-3 fumées, 2 secondes de fumée, monsieur pète un plomb. Allez-y. Ouais, je le vois, moi, il n'y a plus qu'à mettre son casque. Allez, Gérard. Arrête. Non, mais bon, il y a un problème. C'est que ce soir, nous avons... Ce soir, il y avait une machine à fumer dans le studio comme dans une discothèque, et apparemment, ça fait un petit peu de bordel, puisque nous-mêmes, on n'y voit plus rien dans le studio. Donc, la conclusion de chacun. Vous êtes fan du Cunilingus? Oui. Toutes? Toutes, oui. Est-ce que vous avez fait un cunnilingus à Gérard? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un cunnilingus à Gérard? Oui. Est-ce que Gérard a été bon ce soir? Oui. Est-ce que Gérard a été vulgaire ce soir? Non. Est-ce que Gérard est intelligent? Oui. Non. Est-ce que vous voulez que Gérard revienne jeudi prochain? Oui. Qui s'appelle Ah la salope, oui, qui s'appelle Va laver ton cul. Bah.